Hey, bonsoir tout le monde. On est de retour à la veillée, t'es encore jeune. On a une belle première heure. On va avoir encore une très belle deuxième heure, tous ensemble. Hein? Et on a encore nos invités qui sont là, Gilles Duceppe et Denis Coderre, messieurs. Ouais, c'est sûr, on barre les portes. Ah oui, il faut les barrer. Hein? Ben oui. Faut les barrer. Non, mais je veux dire, M. Duceppe, qui a été marxiste à l'époque, qui est maintenant chroniqueur au Journal de Montréal, ça change d'idée. Faut les tenir. Ben oui. Hey, c'est important. On est comme au plateau, Faites attention, j'en connais d'autres. Oh, ah, mon Dieu. Non, mais il n'y a pas rien que ça. M. Coderre a fait des gros spies spaghetti, mais on sait même pas si c'est pour le fédéral. Municipal, on ne sait toujours pas. Vous savez, l'italien, c'est aussi bon fédéral que municipal. On le sait, ça. Je veux que tu me réinvites. pendant la première heure, aussi fou que ça puisse paraître, il y a des gens qui nous ont écrit pour se plaindre, en fait, qu'on a laissé des sujets de côté. Ben oui, puis le plus étonnant, c'est qu'ils nous ont écrit des lettres dans des enveloppes, en plus. Mais il faut dire que les enveloppes, c'est redevenu à mode en 2012. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais. Et en même temps, ça doit être des auditeurs de Le Bigot. Ah, ouais, voilà. Ça doit être ça. OK, alors, on va ouvrir une première lettre, et elle nous vient de Marie-Claude B. Hein? Alors, je vais lire ça. Je trouve ça le fun qu'il nous envoie des... Ben oui! Il nous écrit « Je vous écoutais en dégustant mon bol de muesli et je me disais, allez-vous parler du petit singe au Ikea? Ah. Me semble que ça a été marquant en 2012. » Ouais, mais en fait, on hésitait entre ça et la candidature de Marc Garneau à la chefferie du PLC. Hein? On a décidé de ne pas parler de ni l'un ni l'autre. Non, hein? C'est vrai. C'est ça, ouais. Ouais. Okay, non, mais en même temps, je comprends pas trop Ikea. Moi, ils acceptent les singes dans les magasins en Amérique, mais pas les femmes dans les catalogues en Arabie Saoudite. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de singe en Arabie Saoudite, sinon ils ne seraient pas dans les catalogues non plus. Ah! C'est égalitaire, finalement? Ben oui, tout à fait, en quelque sorte. On va en lire une deuxième. Ah, mon Dieu! De Elle Ferrandez, on ne sait pas c'est qui. Il devrait se nommer au complet, le monde, hein? Ouais. Vous n'avez pas parlé des fabuleuses politiques qui ont rendu le plateau résolument tourné vers les citoyens et non pas vers les commerçants qui n'habitent pas le quartier qui va se donner plate. Ben oui, mais non, on a fait des blagues sur le plateau Mont-Royal en début d'émission. Mais ah là, c'est parce qu'on prenait des bandes de neige, on part avant encore. Ah! J'espère qu'ils vont être là dans la troisième heure. Ah, on n'a pas troisième heure. C'est-tu fâchant? Non, mais c'est comme ça. On va en lire une autre. Écoute, hey, tu sais que ça. Le plateau s'est rendu comme la France. Il tombe un centimètre, c'est paralysé. Ah oui, c'est rendu même. Ouais. Une autre, c'est d'une auditrice qui ne s'est pas nommée. Fâchant. Vous n'avez pas parlé des nombreuses catastrophes naturelles qui ont marqué l'année. C'est vrai? Il y en a eu beaucoup. Ben oui, il y a eu quoi? La rivière Richelieu, là, au Québec. Les inondations en Ontario, Manitoba. Sandy, dans les Maritimes. Ouais. Une autre catastrophe naturelle, l'allaitement de main et paiement. Ah, ça. Écoute, une catastrophe glamour quand même. Ah, hein? OK. Un vent de fraîcheur. C'est trippant. Non, mais il y a eu beaucoup de tremblements de terre au Québec en 2012. Oui, oui. Hein? Ouais. Et puis, on attend encore l'aide d'Haïti. Hein? Oui. Franchement, les autres. On donne, puis on ne reçoit jamais rien. C'est ça. Bon. Une autre lettre ici. Excusez-moi. Je m'appelle Herbie M et je trouve que vous n'avez pas parlé beaucoup de culture. Mais en même temps, lui non plus, il n'en parle pas beaucoup. Non. Non, mais on va pas se mettre à parler de, je sais pas, Justin Bieber qui vomit sur scène quand même. Là. Non, mais Fred, c'est de la culture, ça. Ben, de la culture bactérienne. Ouais, c'est de la culture vrai. Quand même. D'ailleurs, parlant de bactéries, j'ai aussi une note ici. On a reçu 76 courriels de partisans fâchés d'Option nationale, qui sont vraiment, vraiment frustrés qu'on n'ait pas parlé de la percée de Jean-Martin Hossan. Ah oui, la percée, quoi, il a fait ses dents? Ça doit être ça, je vois pas d'autre chose. OK, on en a une autre ici de Ruth LNB. On sait pas c'est qui. On sait vraiment pas c'est qui, hein, Ruth LNB. Viva Las Vegas. Alors, c'est écrit, vous ne parlez pas. De la belle performance de Thomas Schmalker du le NDP. Grâce à la lui, je suis devenu un député compétent. On va voir ce qu'elle dit. Comprends rien. On en a une autre ici. Vous parlez pas beaucoup des projets de loi Mammouth. C'est signé Daniel P., chef du Bloc québécois. Mais ben oui, il va y avoir des lois pour protéger les mammouths canadiens. Et les dinosaures aussi, visiblement. Non. Bon. OK. Ah, ça en est une dernière qui nous est arrivée par huissier. Coudon. Que c'est ça? Ah, c'est adressé à Denis Coderre, regarde donc. Ah. Vous êtes convoqué à comparaître le 21 janvier. Habillez-vous propre mais confortable, ça pourrait être long, c'est signé F. Charbonneau, coudon. Ah, ouais, ça me dit quoi, ça? C'est pas gentil. C'est ça? C'est vraiment pas gentil. Non, mais attends, c'est faux. Monsieur, F, c'est pour faux. Non, c'est peut-être François Charbonneau. Ah, c'est ça. C'est sa commission sur la show. On ne sait pas c'est qui, mais il y a de la main fin. Mais de toute façon, je ne pas avec ça. La soirée est encore jeune, monsieur. Ben, j'espère. Ben, Fred, présentez-nous notre troisième invité de la soirée. L'année 2012 lui a permis de marcher avec les carrés rouges, de fraterniser avec les policiers de Québec et de passer le flambeau de mascotte de Québec solidaire à Françoise David. Accueillons le député de Mercier, monsieur Amir Kadir. Salut. Bonjour. Salut tout le monde. Bon. Et qu'on a fait du papier dans ce bar-là. Hein. Monsieur Kadir, comment ça va? Un peu enrhumé. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai pas embrassé tout à l'heure. Oui, sur la bouche. Sur la bouche. Mais est-ce que ça va, sinon, si c'était de la grippe, là, est-ce que ça va bien? Ça va très bien. C'est vrai? Il y a la gadoue aussi qui est pas drôle, ben, mais, oui, bon, mais on s'y habitue. Ça, c'est le plateau. Regardez. Ben non, mais là, on est où, là, ici? On est okay. C'est ah, ouais. Vrai qu'il n'y a pas de gadoue. Hein, ben non, c'est ça, c'est bien propre ici. non, mais c'est parce que j'ai lu dans Le Devoir le sondage sur les élus les plus appréciés hein, depuis les élections. Ouais. Et là, mais vous vous êtes fait dépasser par Françoise Davine. Ah, et même par Léo Bureau-Blouin. C'est vrai? Ben oui. OK, j'ai pas regardé. Ben non, ben je sais bien, c'est pour ça que je vous le dis. Là. C'est grave. Donc, ben... il va falloir que je fasse une sérieuse réflexion là-dessus. Ben, je pense j'ai que pas oui. eu le temps encore, mais je pense que ça mérite. Mais que, comme, ben, je veux dire, vous passez quand même d'un Martin Luther King, d'un Gandhi à assistant de Françoise Davine. Mais c'est écoute, c'est parce que c'est pas contradictoire. Pourquoi tu penses que ça serait contradictoire? Ben, c'est parce qu'on vous peut... voyait tellement haut. Vous avez été oui, le député mais de 2011. Mais c'est haut, ça, assistant de Françoise David? Coudon. Mon Dieu, vous êtes on petit? Pas... Ben, moi, oui, mais c'est bon. On se comprend. Mais là, vous avez laissé votre poste à Françoise David, oui. à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, on la voit beaucoup, Françoise David. On a c'est vu le reportage à Infoman, qui, elle essayait de se montrer un petit peu à face à caméra. Ou c'était peut-être l'odeur, d'ailleurs, les gens de la CAQ, mais le... La question qu'on se pose... Ça, c'est lui qui prétend ça, là. Est-ce que vous avez concédé ce poste-là non, on m'a forcé. On m'a tordu les bras. Mais pour vrai, là. Vous voilà. C'était prévu? Je suis supposé être sérieux ou pas? Monsieur de Coderre a été très sérieux tout le long. Non, écoute, dans notre parti, c'est sûr que les choses qu'on fait ne sont pas toujours évidentes, même pour nous, hein? mais disons... Ben, je pense que ça va être la citation de l'année, ça. Oui. En, 2000... en 2009, quand j'ai été élu, ouais. on a décidé que ça serait bon qu'on prévoie à long terme comment on se pensait à la prochaine élection au pouvoir, ou au ouais. moins avec 50, 60 députés. Pardon? Ben là, je te dis des choses telles que ça. C'est pas évident, vraiment, au Québec, c'est pas Non, ben j'exagère un peu. Mais on se disait... non, mais on se disait, un jour, ça pourrait nous arriver d'avoir ouais. beaucoup de députés. On sait jamais. Il ne faut pas que ce parti-là devienne un parti uniquement parlementaire. Okay. Puis comme on veut faire les choses différemment, on ouais. veut changer un peu la culture politique, s'assurer que le parti garde une vie à l'extérieur du Parlement, ouais. comme mouvement, comme le berceau de certaines réflexions, il ne fallait pas que les deux porte-parole se retrouvent à l'Assemblée nationale. Donc, dès 2009, il a été décidé qu'il y aurait toujours un porte-parole parlementaire et extra-parlementaire. Ouais. Je suis sûr, à partir du moment où tous les deux ont été élus, ben, il fallait faire quelque chose. Donc, l'enfant, c'est un peu une stratégie. Là, on a commencé un député, et là, la porte-parole qui est extra-parlementaire devient parlementaire. Ouais. Et là, à coup de même, dans 150 ans, ben, vous allez avoir facile 40-50 députés. Les lois des mathématiques veulent que ça va être à peu près en 2040. C'est faux. Est-ce que vous avez calculé ça pour vrai? OK. Non, oui, à peu près. J'aurais trouvé ça le fasse. Mais non. non, mais c'est intéressant quand même. Parce ça que fonctionne. Ça se double à chaque fois. Ben, c'est ça. Ben, oui, non, voilà. C'est bien sûr. Là, on a parlé très, très rapidement tout à l'heure avec M. Duceppe du gouvernement du PQ. Mais on va en parler un peu plus avec vous. Vous êtes. D'ailleurs, là, je le disais, vous êtes assis derrière les caquistes. Vous étiez où avant? Quand vous étiez seul, là? Ben, ça, c'est à vraiment côté de la toilette? un des non, mais quand mystères de seul. L'histoire. Quand j'étais seul, ouais. à un moment donné, j'étais quand même dans. Une rangée en avant de ce qu'on se trouve maintenant. Okay. Ensuite, petit à petit, avec les soubresauts qu'on a connus à l'Assemblée nationale, ben oui. je me suis retrouvé à la place où était Mario Dumont. Arrête Alors, tu comprends que je me sentais vraiment fier. Ben, je comprends. Prochaine étape, Et TVA. Puis, là... Et puis, bon, là, maintenant, on est deux fois plus nombreux, deux fois plus d'appui, ouais. 14 000 membres, puis on nous a calés au fond de la salle. Je pense que c'est parce qu'on nous prend... Moi, avant, j'étais plus une curiosité. Ouais. Maintenant, Québec solidaire, on le prend au sérieux. Ils ont vu ce qu'on est capable de faire. J'ai l'impression, parce que là, on nous fait aucun quartier. Il n'y a vraiment aucune courtoisie. C'est la guerre pour vrai, là. Je pense que oui, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de ben, la... C'est correct. Ouais, oui, ça ben, fait ouais. partie. D'ailleurs, justement, je voulais parler du gouvernement du PQ. On a entendu Bernard Landry qui souhaitait une alliance. Hein? Québec solidaire, Option nationale et le Parti québécois. Durant les prochaines élections, une alliance mathématique. Pour pas nuire à personne. On en pense quoi de ça? Je vois M. Duceppe, c'est possible ça de faire des alliances comme ça? Ouais, je pense pas qu'on puisse arriver à une alliance électorale qui est d'ordre tactique là, ouais, ouais. avant d'avoir débattu sur les plateformes des uns et des autres. Ouais. parce que on peut pas dire qu'on parce qu'on est souverainiste, on va tous être ensemble, tout comme on peut pas dire parce qu'on est fédéraliste, on va tous être ensemble. Prenons par exemple, s'il y avait un parti souverainiste, style le Front National, Le Pen. Ouais. Moi, je voudrais jamais que les souverainistes, par exemple au PQ, s'associent à un tel parti. Ça n'existe pas au Québec, heureusement. Non, mais il faut débattre du fond des choses, à savoir ce qu'on est d'accord ou pas. Si on l'est, là, on peut faire des alliances tactiques. Mais si on ne l'est pas, on n'en fait pas. Je peux vous dire, par exemple, sur la question des alliances tactiques, c'est-à-dire ce que dit M. Duceppe est tout à fait vrai. D'abord, il faut s'entendre sur un certain nombre de principes. Mais c'est sûr que tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de réforme de mode de scrutin, ce qui peut arriver, c'est que tout le monde y perd. D'accord? Même des gens qui sont plus proches que d'autres, qui pourraient avoir avantage à faire des choses pour désavantager leur adversaire, peuvent y perdre. Il pourrait y avoir au moins des ententes très ponctuelles, des ententes électorales pour se partager des comtés. Mm-hmm. D'accord? D'ailleurs, Gilles se rappellera qu'en 2003, je plaidais auprès de Jack Layton et de lui-même pour qu'entre le NPD et le Bloc québécois se passe cette chose-là au Québec. J'étais au Bloc québécois à l'époque, puis moi, mon idée, c'était de dire qu'il y a des endroits où le Bloc ne passera jamais. Vous étiez au Bloc québécois à l'époque? Mon Dieu, c'est une autre décennie. Il était candidat. Ben oui, non, c'est ça. Et 2000. Ce que je voulais dire, donc, il pourrait y avoir une espèce de, je dirais, de proportionnel hors scrutin. C'est-à-dire, les partis regardent quels sont leurs rapports de force, comment ils pourraient se partager quelques comtés en cédant les deux y gagnent un peu. Mais on est sur la tactique. J'allais juste dire, je m'excuse pour terminer, qu'à Québec solidaire, cette vision-là n'est pas partagée par tout le monde, même si c'est une minorité qui pense. La majorité dit non, pas d'affaires. Une minorité à Québec solidaire, c'est pas grave. Non, mais il y a plus que ça. Faut pas que je le laisse parler, parce que... Messieurs, je dois absolument terminer ça, parce que je pense que M. Duceppe s'en va fêter la nouvelle année à Québec. Alors, j'ai une dernière question pour M. Kadir. Votre résolution en 2013, aller au 357C? Par exemple. Mais moi, je connais d'autres clubs. Alors, votre résolution pour 2013, c'est de me les dire. Merci beaucoup, M. Kadir. Vous restez avec nous, M. Duceppe. Merci énormément de votre présence. Bonjour. Salut. Merci énormément, M. Duceppe. Salut. Salut. Salut. Vous savez, hein? Un des sujets qui nous a préoccupés cette année, c'est la dignité de nos aînés, hein, qui a été mise à mal, alors que les jeunes ont pris pas mal de place dans les médias. Heureusement, on apprenait que Sylvester Stallone était sur le point de tourner un nouvel épisode de Rambo, ce qui va redonner le haut du pavé à nos petits vieux. Donc, les préposés aux bénéficiaires n'ont qu'à bien se tenir. On écoute Rambo 5. Aïe. John Rambo a une dernière mission avant de mourir. Déménager dans un CHSLD et tenter de conserver sa dignité. Mais il devra d'abord résister aux attaques bactériologiques des légions de Légionnaire 11. Même attaché dans mon lit, vous ne m'empêcherez jamais de prendre un bain! Il devra combattre les rebelles terroristes de la CSN. Vous ne me forcerez jamais à avaler du mangez-vous! Ses ennemis le traqueront le jour, mais surtout la nuit. Je ne suis pas un continent. Je ne porterai jamais de coups. John Rambo est semi-autonome, mais il est fâché. Je ne veux plus de ma part mal. Rambo 5, mission dignité. Dans un CHSLD près de chez vous, mais idéalement chez vous. Ça va être un bon film, ça? Ah! Oh, que ça va être un bon film. On va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Vous en êtes où, Jean-Sébastien? Bonjour, Jean-Philippe. On attend toujours que ce train de l'AMT parte. Ben, voyons. On ne sait pas ce qui se passe. Ça va bien mal, en tout cas. De toute façon, ici, il y a beaucoup d'atmosphère. Les larmes coulent à flot dans ce train du deuil, Jean-Philippe. Et maintenant, un autre qui a accepté de se confier à nous, c'est le bon Dr Barrette, bon. Qui lui aussi a été très endeuillé cette année. Grosse année pour lui. Dr Barrette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Évidemment, votre plus gros deuil cette année, c'est celui de la politique. Vous aviez le vent dans les voiles. Vous étiez le chef de la CAQ, je pense. Vous alliez devenir ministre de la Santé qui donne pas l'exemple et n'a plus rien pour trouver votre petite jobine d'avant. Est-ce que ça prend beaucoup de force de caractère pour passer à travers tout ça? Terriblement. Vous savez, ma capacité d'adaptation est absolument incommensurable. Alors, j'ai réussi à faire le saut. sans problème, sans tomber dans la liste qui était devant moi. Ben, on vous félicite pour ça, vous suscitez beaucoup d'admiration. Une qui vous admire pas beaucoup, c'est Pauline Marois. Hein? Pauline Marois vous dirait probablement que pour vous, le deuil de la politique, c'est aussi le deuil de nombreux soupers spaghettis à volonté auxquels vous pourriez assister. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Ben, écoutez, essentiellement, ce que je vois, donc je dirais pas, ça serait pas gentil, mais j'irai avec M. Coderre au souper spaghettis et puis on sera bien contents. Ah, M. Coderre est d'accord. On fait beaucoup de M. Coderre des soupers spaghettis. Oui, puis on l'a pas accusé d'aller dans les soupers spaghettis. Apparemment, c'est une activité noble dans son environnement à lui, alors autre partie, autrement. Bon. Autre deuil, évidemment, et pas le moindre, celui d'une présence soutenue dans les médias. Évidemment, vous n'êtes pas élu, donc les médias s'intéressent moins à vous, c'est un peu normal. Alors que, par exemple, si vous étiez élu, tout comme le petit Léo, vous pourriez vous aussi faire la première page du Châtelaine avec une pose de pin-up et un regard de chambre à coucher. Est-ce que c'est un regret, ça, pour vous, de ne pas pouvoir avoir accès à ça? Ah, t'as tout à fait. J'aurais tellement aimé passer dans le cahier santé de ces revues-là, surtout pour les régions amérissantes, mais que voulez-vous, ils m'ont pas pris. Ça n'a pas de mouvement. Mais Dr Morette, vous êtes un exemple pour tous les Canadiens et Canadiennes. Vous êtes passé à travers ces deux-là. On vous remercie beaucoup d'être passé dans le train. Jean-Philippe, on vous retrouve dans quelques minutes avec le petit Léo. Et n'oubliez pas que dans la vie, on prend toujours un train pour l'AMT. Merci Jean-Sébastien. Merci au Dr Morette. Merci beaucoup. Vous lui souhaitez bonne année, là. Écoutez La Veillée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur la première chaîne. Une émission qui, comme le Parti québécois, aime bien revenir en arrière. Hey, c'est encore à vous, Fred Savard. Oui, j'ai encore des vœux à distribuer à nos élus. À Pauline Marois, je ne peux que souhaiter qu'elle aille de l'avant en 2013. juste de l'avant. Ah oui, c'est tout, OK, c'est vrai. Non, c'est vrai que le recul est parfois une preuve de maturité, mais quand ça devient un mode de vie, il faut peut-être penser à changer les conseillers qui vous disent que ce serait une maudite bonne idée de donner une pension à vie à un lobbyiste fossile. À Christine Saint-Pierre, je lui souhaite de pouvoir enfin aller voir un spectacle de Fred Pellerin. Elle comprendrait enfin qu'il n'est pas du tout dans le même domaine que Georges Saint-Pierre. À François Legault, je lui souhaite une année complète sans élection, même si ça le démange, hein, comme chef de la deuxième opposition, ne l'oublions pas, hein, ça serait plate qu'il fasse un deuxième Mario Dumont de lui-même, même si c'est très bien parti. Et j'en profite d'ailleurs pour offrir mes vœux à Mario Dumont, lui qui a été presque aussi bon en 2012 pour prédire la victoire de la CAQ et de Milt Romney que les Mayas pour prédire la fin du monde. Ben oui! À tous nos élus conservateurs qui refaçonnent courageusement le Canada d'aujourd'hui avec des concepts d'hier, je leur souhaite d'avoir assez d'énergie pour poursuivre la difficile tâche d'assainir nos finances publiques en facturant les questions de l'opposition, surtout si c'est pour répondre en répétant toujours la même maudite affaire écrite sur une petite feuille de papier. J'espère également que les contribuables canadiens comprendront enfin qu'en 2013, que l'assurance-emploi ne peut plus servir à entretenir des travailleurs devenus paresseux à force de ne travailler que pendant 6 mois par année, supposément à cause des rigueurs de l'hiver. Bou, bou, bou. Heureusement, le récent retrait du Canada de l'accord de Kyoto fera en sorte que bientôt, dans quelques années, il n'y aura plus d'hiver canadien, ce qui obligera les pêcheurs à travailler toute l'année. C'est tout. Avant de conclure, ces bons vœux, enfin, j'offre également mes meilleurs souhaits à Amir Kadir. Que l'année 2013, à ne plus être co-porte-parole adjoint intra-parlementaire extra-super de Québec solidaire, lui permette de pratiquer la médecine à temps plein pour désengorger le système de santé au lieu d'engorger l'entrée d'un magasin de souliers. Oh. J'ai entendu des huées, il y a des Palestiniens dans la salle. À Pierre Duchesne, je lui souhaite du succès. Hein. Lui, il s'en vient tantôt nous voir à son sommet et un gouvernement péquiste qui durera encore au moins une année. Sinon, il pourra toujours aller remplacer Gabriel Nadeau-Dubois comme porte-parole des Carrés Rouges. Et Gabriel Nadeau-Dubois, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Ben hein? Il a déjà tout. Les très jeunes femmes à ses pieds, une permanence à vie à la CSN, les voyages en France, la complaisance de la justice après avoir tenté plusieurs fois d'assassiner des guichets automatiques. C'est à se demander si il n'est pas un agent double du gouvernement Charest. Hein? Louis Hamelin nous le dira sûrement dans son prochain roman. Et vous? Ah, il y a des lecteurs dans la salle, ça, c'est le fun. Et vous, Vautier, ouais. Je vous souhaite une année 2013 encore meilleure qu'en 2012, ouais. Alors que vous vous êtes si bien entouré d'un auteur tellement talentueux, et il vous en remercie. Et je souhaite également une merveilleuse année 2013 à tous nos auditeurs en notre compagnie, on se le souhaite. Ah oui, merci Fred. Vous êtes encore... Vous avez un peu d'énergie? Oui! OK, présentez-nous notre quatrième invité, moi. Il est passé de Luke Skywalker dans un film étudiant à sexe symbole de la résistance étudiante. Malheureusement pour ses détracteurs, ses travaux communautaires ne se feront pas sur l'étoile de la mort. Accueillons Gabriel Nadeau-Dubois! Ça va? Merci. connaissez salut. Monsieur Coderre. Monsieur Cadir. Vous le connaissez? Oui, ah, il y a votre moi, micro qui est en train de pencher vers la voilà, gauche, surprenant. C'est le naturel, hein? Puis... Ouais, oui, là, je vous offre un peu d'alcool. Bon, t'oublies pas. Oui, non, mais je me sentirais mal sinon. Mon Dieu, vos parents ne regardent pas ça toujours? On est à la radio, Jean-Philippe. Non, mais il y a des caméras aujourd'hui, c'est pour ça. Là. Ah, okay. Grosse année 2012 pour Gabriel Nadeau-Dubois. Très grosse année 2012. Oui. À pareille date l'année passée. On n'avait aucune idée qui était Gabriel Nadeau-Dubois. Écoute, je te rassure, je ne savais pas non plus t'étais qui. Hein. Monsieur Coderre applaudit, puis je trouve pas... c'est suspect, c'est des alliances improbables dans des moments comme ça. C'est ça. Non, cela dit, on a appris récemment... Je vais en retenir quand même. On a appris récemment que vous étiez une des personnalités de 2012 qui a été le plus mentionnée dans les médias. C'est extraordinaire, ça. En une année, réussir à faire ça, Denis Coderre tuerait pour ça. Vous êtes déjà là, vous? C'est déjà là. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, c'est sûr que c'est inattendu, hein, mais en même temps, c'est parce qu'on a parlé de l'enjeu, puis ça, je pense que c'est ça qui est important. Et ça va être dur de faire mieux en 2013. C'est pas du tout mon objectif, en fait. Non? Mon objectif est pas mal l'inverse. C'est quoi 2013 pour Gabriel Nadeau-Dubois? Ça va être le retour, ben, la tentative de retour à une vie un petit peu plus normale, les études. Ah oui? Oui, ça va faire du bien parce qu'on fait la grève. On fait la grève parce qu'on veut... Mais on oublie hein, que vous étudiez des fois. Fait, ben, des on a fait la grève parce qu'on veut que tout le monde ait à l'université. Parce que justement, j'aime tellement ça. Ben oui, l'université, bien, je trouve que c'est une institution tellement importante qu'il faut sauvegarder. Puis je pense qu'il faut ouvrir les portes encore plus grandes. Et donc, c'est pour ça que moi, dans la prochaine année, je vais essayer de m'y consacrer un petit peu plus. D'ailleurs, je pense que vous vous êtes inscrit en philosophie. Tout à fait, oui. Vous avez été accepté? Oui, c'est pas contingenté. Ah, OK. Mais cela dit, même si ça avait été contingenté, ouais, j'aurais été accepté sans problème. C'est vrai? Ah, vous avez des bonnes notes. J'ai des très bonnes notes. C'est vrai? À l'époque, on profite quand même de la tribune pour déconstruire les préjugés. Hein, les manifestants ont des bonnes notes quand même. Les sciences molles, tout ça. Mais en fait, je pense même que si on faisait un sondage auprès des professeurs d'université, on réaliserait que généralement, les étudiants et les étudiantes qui militent le plus sont souvent ceux et celles qui ont les meilleures notes. Votre fille a des bonnes notes, M. Cadier? Absolument. Non, c'est ça que je me disais. J'en doute même pas. Ouais. Non, c'est vrai. Mais là, j'ai l'impression que c'est des généralités. Hein. Si on faisait un sondage, tout le monde aurait des soupçons. C'est aussi ce que je vois autour de moi. Ouais, je pense que c'est plutôt généralisé. Ma collègue Jeanne Reynolds, d'ailleurs, a gagné la médaille du gouverneur général. Ben oui, on n'en parle pas de ces choses-là dans les médias. Hein? Oui, les médias. Ah, ceux autres. Cela dit, on en parlait bien gros de votre sentence. vous devrez faire, si vous ne portez pas votre cause en appel, 120 heures de travaux forcés. Oui. Communautaire. Ben, j'ai vu que Léo Bureau. J'ai vu que mon ex-collègue, maintenant député Léo Bureau-Bouloin, partait une fondation. Oui. Alors, je me suis dit que ce serait peut-être une belle place pour faire mes travaux communautaires. Ouais, comme ça, le Parti québécois pourrait continuer à remettre la jeunesse à sa place, hein, en me réintégrant à la société. Mon Dieu! C'est. Mais en même temps, les travaux communautaires, vous étudiez pour faire ça dans la vie, non? Mais en fait, des travaux communautaires, c'est pas mal ce que j'ai fait dans les 3 ou 4 dernières années de ma vie. Ben oui, tout à fait. Alors, ça compte ça en double. Mais c'est pas rétroactif, non. Ça fait ça un stage, t'as des équivalents. S'il n'y avait pas eu de division des pouvoirs, là, j'aurais peut-être eu une chance que ça soit rétroactif. C'est compliqué. Mais considérant la division entre le gouvernement péquiste et les tribunaux, non, c'est pas rétroactif. Bon, OK. Maudite démocratie. Ben oui, c'est tout le temps ça qui arrive. Cela dit, hein, je m'en vais en appel quand même, donc c'est pas certain que je vais avoir... Vous avez 2-3 piastres de ramasser pour aller en appel. Ben, en fait, j'ai pas mal plus que ça, puis ça a été une très belle surprise. D'ailleurs, la question de voir qu'il y avait autant de solidarité pour ma cause, ça a été... Vous avez ramassé combien? On a ramassé 104 000 $ Ah, ça va être des beaux cadeaux de Noël, c'est de l'arbre de Gabriel Nadeau-Dubois, ça. 104 000 $ qui proviennent uniquement de dons individuels. Donc, les dons organisationnels, je les compte pas là-dedans, donc c'est 104 000 $ et puis le don moyen... C'est 400 000 en tout, finalement? En plus. Non, il y a peut-être 50 000 $ de dons comparatifs, donc ça donne 150 000, mais sur le 100 000, la moyenne de dons, c'est un peu moins de 20 $ Donc, ça veut dire que c'est pas des gros dons que j'ai eus. Vous venez de dire 100 000 $ puis j'ai vu Amir Kadir qui a fait des yeux là-dessus. Comme... Je pense qu'il voudrait vous recruter avec Québec solidaire. C'est de la Mais tout ça pour dire que ça a été des petits dons en grand nombre. Ça a été très touchant de voir ça. Et là, évidemment, moi, j'ai reçu il y a quelques semaines Madame Courchesne, que j'ai adoré. Qui est une femme, est une femme très très sympathique. Ben, c'est pas une blague. Je suis allé faire son arbre de Noël. En fait, il faut que j'aille le faire bientôt avec elle. Vous pourriez venir nous aider. D'ailleurs, ça pourrait compter dans vos heures de travail. Mais au final, là, quand je parlais avec Madame Courchesne, qui était sans blague, très très gentille, je l'ai adorée. Je me suis dit, vous avez été très dur avec Madame Courchesne. Une quoi, qu'est-ce que c'est? Ben, hey, Finn! On n'est pas méchant avec quelqu'un de fin. Ben, moi, j'ai jamais attaqué, ou en tout cas très rarement attaqué des gens. Mais sérieusement, j'ai très rarement fait d'attaque personnelle, et quand c'était personnel, c'était surtout politique. Madame Courchesne, en effet, c'est une femme très sympathique. D'ailleurs, on le sait pas, mais la dernière journée de négociation, c'était le jour de mon anniversaire, et c'est la seule qui m'a souhaité bonne fête. Ah ben là. Bravo, Madame Courchesne. Bravo. C'est vrai. C'est même pas inventé. Ben non, elle est fine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est fine. On l'inventera pas. Elle est très bouillante comme femme. Donc, non, non, mais regarde, il en faut des fois. Ça fait à peine 100 jours que le PQ est au pouvoir et que M. Duchesne, qu'on va recevoir très bientôt, fait un travail extraordinaire. vous le noteriez sur 10, là, vous lui donneriez combien, M. Duchesne? Bon, moi, c'est rare que... Disons qu'on va attendre de voir. Hey, j'ai passé une heure d'entrevue avec M. Coderre à me faire dire des patates. C'est pas... C'est possible de me dire de quoi? On va attendre de voir. Je pense que le Parti québécois a une chance d'ouvrir un réel débat. La dernière réflexion collective qu'on a eue sur l'éducation au Québec, ça date du rapport Parent. C'est dans les années 60. On est dû pour une nouvelle réflexion, mais une réflexion de fond. Oui. Et j'espère que le Parti québécois va avoir le courage politique de faire une réelle réflexion de fond. Et disons que pour le moment, j'en suis pas convaincu, mais j'espère, il y a encore du temps pour ça. Pour redresser la patente. S'il parlait de gratuité scolaire, il y aurait un haut note. Moi, je pense 8 ou 9 sur 10. Il faut avoir le courage de au moins discuter de cette option-là, qui est toujours balayée du revers de la main, comme si c'était une espèce de truc absurde. Il y a la moitié des pays de l'OCDE qui ont la gratuité scolaire. Les gens qui veulent nous faire croire que c'est impossible, c'est parce que c'est pas dans leur intérêt. Il est à peine 7h30, là. M. Duchesne vient nous voir. À mon avis, à 8h, c'est réglé la gratuité scolaire. Il n'y a pas de stress, là. On va travailler là-dessus. Non, il n'y a pas de problème, là. Quand même, moi, il y a une chose que j'ai trouvée décevante ce printemps dernier, puis je pense que le mouvement étudiant, en étant partie responsable, je pense qu'on avait la possibilité d'avoir un débat de fond, un débat de société, et j'ai l'impression que souvent, on s'est accroché dans des détails. Quand M. Savard faisait la liste des faux débats, il y en aurait pu en avoir une coupe du conflit étudiant. Ah oui, des faux, oui. Ah ouais. La liste des faux, me semble. Mon Dieu, vous avez oublié quelque chose, Fred, c'est quasiment impossible. Ça devait être très bon. On a quand même débattu de si un calendrier sur Internet constituait un bris à une trêve qui était somme toute imaginaire. Je veux dire, c'est... Moi, je trouve ça décevant qu'on n'ait pas eu ces débats-là. Et donc, l'exercice intellectuel, tout ça pour dire que l'exercice intellectuel que j'ai malheureusement pas eu ce printemps, je vais essayer de l'avoir à l'université parce que c'est encore une institution où on peut avoir ce genre de réflexion le moment. Mais 4 ans à finir votre bac en philo? Non, il me reste seulement un an, cher ami. Vous avez étalé ça, vous. Il faut faire des sacrifices. J'ai une dernière question pour vous, Gabriel Nadeau-Dubois. Oui. Avez-vous une résolution pour 2013? Condamner la violence. Allez! Non? Ça pourrait être pas pire. Il y a certains de mes collègues qui prennent la parole pour plaire. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Alors, je ne satisferai pas tes désirs et je vais plutôt dire que je pense que j'ai une revendication. Pas une revendication, mon Dieu, quel lapsus. Résolution. Une résolution, non pas personnelle, mais collective. Je pense qu'il faut continuer. Il faut poursuivre l'élan qu'on a pris ce printemps comme peuple. Il faut continuer à réfléchir sur comment on peut reprendre en main nos institutions politiques et économiques. Et moi, j'aime beaucoup quand M. Kadir parle de réforme du mode de scrutin. Je pense qu'au-delà de la question des frais de scolarité, la préoccupation qui a été émise ce printemps et qui a juste été renforcée par la commission Charbonneau, c'est le fait qu'on est en train de perdre le contrôle sur nos institutions. Et la vraie proximité, M. Vautier, celle qui est vraiment inquiétante, c'est pas le fait que les businessmen, les mafiosos et les politiciens dînent à la même table. Le problème, c'est qu'ils ont la même conception de la politique. Et c'est cette conception-là de la politique qu'on a commencé à contester ce printemps. Et j'espère qu'on va continuer dans cette voie-là. Laisse-moi pas démonter. Monsieur Coderre Junior, merci énormément. Ah ben, on le sait, l'année québécoise a été marquée par le conflit étudiant et ben une certaine montée de l'activisme. Hein. Et en fouillant un peu, on a découvert que la prochaine étape serait d'endoctriner nos jeunes, comme en témoigne cette compilation de comptines qui sera bientôt distribuée dans les maternelles. Ah. On écoute. Yeah. Oyez, oyez, petits camarades. Préparez-vous à devenir gauchiste tout en vous amusant sur les plus grands succès du printemps érable. Grâce à la compilation, c'est la grève à la maternelle. 12 chansons qui feront la joie des Bouchous militants. Ils auront un plaisir fou à chanter le succès souvenir, loi spéciale. La loi spéciale, on s'en calisse. La loi spéciale, on s'en calisse. Avec la compilation, c'est la grève à la maternelle, c'est le retour du bonhomme 7 heures préféré des enfants. J'arrête dehors. On va te trouver une job dans le Nord, Charret. Dehors, on va te trouver une job dans le Nord. Bercez vos petits amours sur de magnifiques mélodies. Charret, ouh, Charret, ouh. Et quoi de mieux qu'une chanson engagée pour faire danser et bouger les tout-petits? On avance! Comme Anarcho Panda et posez-vous les bonnes questions. À qui la rue? À moi? Non. À qui la rue? À moi? Non. À nous la rue! Vivez des moments magiques grâce à la compilation C'est la grève à la maternelle. En vente chez tous les bons disquaires indépendants et au siège social de la CSN. J'ai hâte d'avoir des enfants. Olivier, vous n'aviez pas terminé votre année tout à l'heure. Oui, c'est moi les faux débats, en fait. Ah oui? Allez-y, voir. Alors, continuons avec ces grands petits débats qui nous ont fait devenir de meilleures personnes en 2012. Mais comme chaque année que le petit Jésus amène, nombre de ces questionnements tournaient autour de l'omniprésence du gouvernement. Ouais. En effet, les chroniqueurs libertariens ne cessent de ridiculiser le fait que l'État veut s'immiscer dans notre chambre à coucher, dans nos textos au volant ou dans notre steak haché. Jeff Fillion. J'ai manqué mourir cet été. T'as manqué mourir? J'ai manqué mourir d'aplomb, là. Cet été, j'ai défié l'ordre. Je me suis fait 2 burgers, surlonge, viande hachée, très saignant. Enfin quelqu'un qui va au bout de son idéologie, et ce malgré la maladie du hamburger. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, tu sais, genre après 3 jours d'une fulgurante diarrhée. En septembre, le Journal de Montréal nous a inventé un autre beau débat en publiant son dépliant touristique intitulé « Demeurez-vous près d'un pédophile? » En fait, ça aurait dû s'appeler « Demeurez-vous près d'une personne accusée, pas encore coupable de crimes sexuels de toutes sortes, pas juste la pédophilie? » Bon, ça aurait été un peu long, fait que tant pis pour la présomption d'innocence. De toute façon, la peur, ça fait vendre. Il y a effectivement du monde qui ont eu peur pas mal en voyant que des pédophiles habitaient près de l'école de leur enfant. Denis Gravel. Denise, qui nous a écrit, résume en une phrase ce que je pense. Ils ont déjà pensé à interdire les poutines près des écoles, mais les pédos, il n'y a pas de problème. Crime! Moi, j'avais jamais pensé associer poutine et pédos, puis lui, c'est exactement ça qu'il avait dans la tête. Au moins, des pédos bourrés de poutine, ça va être plus facile à pogner. Ce genre de faux dilemme est la marque de commerce des radios du vrai monde. Quant au vrai dilemme du faux monde, comme celui de se demander s'il vaut mieux slacker sur la gasoline pour sauver la planète, ça aussi, on en a débattu cette année. Radio X et Mario Dumont n'ont pas hésité à donner une voix à Rénald Duberger, le grand pourfendeur du lobby des enverdeurs, c'est-à-dire ceux qui ne nous laissent pas jouir de notre liberté individuelle de chauffer notre Jeep en paix. Écoutons ce sismologue passionné de météo nous raconter la fois où il a envoyé une facture à des réfugiés climatiques de petites îles inondées du Pacifique qui faisaient ben, ben pitié. J'ai calculé le nombre de tonnes de CO2 que j'émettais et puis j'ai calculé que ça faisait pousser 25 cocotiers sur leurs îles et qu'ils devaient 2 500 $ en termes de cocotiers. Oh, alors, je leur ai envoyé une facture. Malade. Parce que le CO2, c'est de l'engrais. C'est pas de la pollution. C'est vrai, ça. Vous essayerez ça, des petites tomates engraissées au jus de muffler, là, avec un peu d'huile d'olive à moteur puis du peston au basilic, là, c'est délicieux. En passant à Montréal, tu me dois 2500$ pour tout le temps que j'ai perdu à t'écouter cette année. Reste que les petits réfugiés climatiques sur leur radeau de fortune pourront au moins manger des noix de coco. Ils vont passer un bien plus beau Noël que nos petits-enfants pauvres ici au Québec, comme nous l'explique Denis Gravel, oui, encore lui, je l'aime beaucoup, dans ce dernier grand petit débat de 2012. Voici ce que vous devez donner à la guignolée pour que les enfants soient heureux à Noël, selon la presse. Des légumineuses en conserve, lentilles, pois chiches. Joyeux Noël, mon pite. Ton voisin a eu une Xbox, toi, t'as eu des pois chiches. Alors, la prochaine fois que vous donnez aux enfants dans le besoin, soyez généreux, donnez-leur un pédophile. Donnez-leur une poutine. Merci, bonne année, mes pites, et n'oubliez jamais que l'indignation a bien meilleur goût. Hey, on a encore un invité. C'est pas fini ce show-là. Présentez-nous ça, Fred. Il a commencé l'année comme journaliste à Radio-Canada pour ensuite devenir député de Port-Dua. Il est maintenant ministre de l'Éducation supérieure et peut-être déjà au sommet de sa carrière. Après ça, ça peut juste redescendre. Accueillons M. Pierre Duchesne. Eh bien, M. le ministre Duchesne, oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous terminez l'année avec nous. C'est pas un beau cadeau, ça? Oui, ben oui. Ben oui, en tout cas, c'est un plus beau cadeau. Je pense presque commencer à quand ben non, je sais bien. C'est un plus beau cadeau que celui que vous avez fait aux universités avant de partir, par exemple. Hein? Les cadeaux sont difficiles. Ben oui, je peux comprendre. Mais il n'y a pas que du négatif là-dedans. Vous avez réussi à réunir les recteurs des universités et les étudiants. Les deux vous haïssent. Oui, alors... Hey, ils sont ensemble, là, soudés. C'est ça, l'équité. C'est ça. C'est la première fois qu'on a, en fait, un ministre de l'Éducation supérieure. C'est vous qui chaussez ces nouveaux souliers-là. Ça change vite. En 6 mois, Fred l'a dit tout à l'heure, vous étiez journaliste à Radio-Canada. Là, vous êtes ministre péquiste. Et dans 6 mois... Au mois de juin, j'étais journaliste analyste, puis au mois de septembre, j'étais ministre. 3 mois. Hey, c'est une transition rapide, ça? Oui. De l'objectivité à la subjectivité de demain. Je dirais de l'analyse à l'engagement. On se pose la question, est-ce qu'il faudrait un purgatoire pour les journalistes? Un temps au moins d'attente? Ou est-ce qu'on se dit, bon, à mon avis, là, il est subjectif? OK, on y part. On part là, le chrono. Écoutez, l'important, je pense, c'est quand les journalistes ont fait notre travail. Oui. Malgré votre poste névralgique, dans le dernier sondage, on en parlait justement, monsieur Kadir est derrière Léo Bureau-Blouin et derrière Françoise David. Vous êtes 37e dans ce même sondage et 6 personnes sur 10 disent ne pas vous connaître. J'ai réalisé ça quand j'ai commencé à faire ma campagne dans le comté de Bordeaux. C'est dire qu'il y avait probablement la moitié de l'univers qui n'écoutait pas Radio-Canada. Oui, c'est ça. Les codes d'écoute d'RDI, ça, c'est pas ils fort. Ils ne me connaissaient pas. Ben non, mais c'est bien sûr. Non, mais l'atmosphère au Conseil des ministres, c'est quoi? On veut le savoir. Parce que honnêtement, il s'est tellement passé de choses. Je veux dire, une semaine, c'était Daniel Breton. La semaine qui suivait, c'était André Boisclair. La semaine d'après, c'était M. Lisée. Ouais. Là, on a. Macacoto. Macacoto aussi. Là, on attend. Ça fait comme 10 jours qu'on n'a rien. On s'ennuie. T'as... Non, l'atmosphère est bonne. Le fait d'avoir une femme première ministre pour la première fois, c'est assez. C'est nouveau. Ben c'est oui, important. Ouais. Et ça donne le ton et ça nous donne un Conseil des ministres qui s'installe. Alors, les gens veulent qu'après 3 mois, tout soit en place. Ben, on met en place les choses, comme le sommet. Moi, je me disais que de faire un sommet pour régler la crise étudiante en faisant porter ça sur 2 jours, c'était un petit peu serré. Alors, on fait des rencontres préparatoires. Mais justement, ce sommet-là s'en vient. On parle de 600 millions qui vont être disponibles pour les universités pour les prochaines années. Mais juste avant, et on comprend que les compressions font que, bon, il y a des réalités qu'on doit gérer. 140 millions de coupures juste avant Noël. Là. 124. On en parle. On n'a pas besoin d'en parler. 124, on n'a fait de rien. Non, mais 124, je veux dire, c'est un beau cadeau de Noël. C'est bien. Oui, j'aurais préféré peut-être effectivement que le budget soit déposé. Après comme, Noël? Ben non. Le 26, ben non, t'as... mois de mars, non, avril. Ah ouais. Normalement, c'est comme ça. Ouais. Mais voyez-vous, on a hérité d'un déficit qui est 2 fois plus élevé, qui devait être de 800 millions, qui est d'1,6 milliard. Vous savez que Mme Courchaine n'est pas d'accord pour entendre avec ça. Comment vous dites? Mme Courchaine, j'y ai parlé, n'était pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire. Alors, Mme Courchaine a un problème, parce qu'elle était à la fois ministre de l'Éducation et présidente du Conseil du Trésor. Ben, moi, je trouve que c'est Au mois de juin dernier, on a retrouvé la lettre. Elle est présidente du Conseil du Trésor. Elle demande au ministère de l'Éducation de couper 200 millions. Ben oui, mais elle a pas ça n'a jamais été fait. Veux dire... Elle ne se comprend pas elle-même. Parce qu'elle était aussi ministre de l'Éducation. Mais le bureau n'est pas en même place. Il faut toujours qu'elle ouvre les... elle envoie une place pour qu'elle l'ouvre à l'autre. Hey, c'est une run, mais ça, l'héritage, là. Voyez-vous. Je veux dire... et puis l'héritage, normalement, quand on a un héritage, on a de l'argent. Oui. Dans le cas de l'héritage libéral, c'est des dettes des créances. Oui, ben en même temps, je veux dire, c'est pas une nouvelle. Là. À chaque fois qu'on a un nouveau gouvernement, on trouve toujours des trous. Ah, c'est vrai. Ouais, mais là, écoutez, là, vous voyez comme moi les grands projets, là, puis les dépenses. Là, on parle beaucoup de dépenses, mais il y a aussi l'enjeu des revenus. La question des redevances minières, par exemple, je pense que ça a déçu beaucoup de Québécois et de Québécoises. Pourquoi ça a déçu? Je pense qu'il y a des gens qui s'attendaient à ce qu'on parle juste, pas juste. Juste prendre ma place, s'il te plaît, Gabriel. Oui. Bon, ça... non, c'est pas. Ah oui, bon. Tu veux-tu un verre de champagne, Jean-Philippe? J'ai trop bu. Tu veux-tu un verre de champagne? J'ai trop bu. Hein? Ouais. Je me rapproche vraiment du Parti québécois. C'est vraiment... non, mais donc, la question des redevances minières, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus parce que là, vous nous parlez de dépenses. Faut que ce soit objectif, mais il y a deux colonnes dans un budget. Il y a la question des redevances minières, puis il y a la question de l'impôt, de l'imposition aussi des gens qui ont plus de moyens dans notre société. Alors, le fait qu'on ne parle pas de redevances cette fois-ci, c'est qu'on n'en parlera pas. Ben, hein? Ben pardon? Je suis pas intervieweur, moi. Martin, j'ai invité, regarde. Non, mais t'es souhaité d'intervenir. Moi, je le fais assez. Ben oui, non, je sais. Couplé. Deux, M. Coderre, c'est assez. Faut-tu le coupes? Alors, la question des redevances, attendez de voir, vous verrez. Martine Ouellet, Je me demandais, suis ce dossier-là avec beaucoup d'attention. La gratuité scolaire, on en parlait un petit peu tantôt. Excuse-moi de vous... La gratuité scolaire, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ça va être dans les discussions? Alors, on a eu une deuxième rencontre et une des associations, mais aussi beaucoup de centrales syndicales, parle de gratuité. Oui. Alors, ce qu'on a dit, là, c'est parlé de ça coûtait 600 millions par année. Bah, 600 millions, c'est exactement le montant que vous allez mettre. Oui, mais bingo. Tout à fait. Mais là, c'est par année. Ah, ça alors, coûte pas cher. Le 600 millions, c'est sur 7 ans. Oui, ah, déjà, il y a une différence. Ah, vous êtes cheap un peu. Oui, que non, voulez-vous. On donne 3 milliards par année aux universités. Alors, ce qui arrive, c'est que la gratuité, ce que j'ai décidé, et j'ai dit, bon, on va mettre nos gens du ministère de faire les calculs, puis à la prochaine rencontre, puis on se met, on évaluera combien ça coûte. Ben, mais vous voyez, on n'a pas écarté le sujet. Si j'étais vous, là, Gabriel, je poserais la dernière question. Oui, bien, c'est ça. Et ça serait ces résolutions pour Dans le fond, Jean-Philippe voulait vous demander... Avant qu'il ait bu un peu trop de champagne. Ouais. Le plus grand moment de 2012. Non, celle-là, ça ne nous intéresse pas. C'est vraiment la résolution. La résolution de l'année, M. Duchesne. D'être interviewé à l'émission Franchement Martineau. Ben, merci beaucoup, monsieur Duchesne. Je vous le conseille pas. Ah, merci. Alors qu'on croyait en train d'agoniser, le Parti libéral du Canada revit depuis la mise en candidature de Justin Trudeau à la course à la direction. La Trudeau-manie 2.0 est si intense... On prépare déjà un film sur sa possible arrivée à la tête de l'équipe libérale. On écoute. Je vous présente Justin, notre nouveau joueur. Salut mes amis, c'est Justin. Justin? On dirait un nom de lapin, il est gros comme un pic. En tout cas, il paraît que tu as pétaillé la brazo. Hein? Please welcome Justin Trudeau! Justin, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, gros, et puis t'es mieux de pas me faire honte devant le monde. Questionnez-moi pas sur mes valeurs en tant que Canadien, en tant que Québécois, en tant que très fier de l'être. Aïe aïe, on dirait qu'il est né avec des patins dans la bouche. On dirait que son père, il a démontré. Just watch me. S'il gagne le tournoi libéral, Justin affrontera des joueurs pas mal plus aguerris que lui, comme Boum Boum Mulcair. Yes or no? All troops gone from Afghanistan in 2011? Yes or no? Le 14 avril prochain, l'esprit d'équipe libérale sera durement mis à l'épreuve. Pee-wee 2D, le Justin qui changera pas nos vies cet hiver. Un autre bon film à aller voir. Un autre bon film. Qu'est-ce que vous voulez? On va aller trouver Jean-Sébastien, qui doit être rendu à destination. Je peux pas croire, toujours. Ben non, on n'est même pas encore parti. Ben voyons. Il est pas là, ça fait deux ans qu'on attend, on est bétonné. Mais néanmoins, on est toujours en train de brailler dans ce beau train du deuil, Jean-Philippe, en cette veille du jour de l'an. Et un qui en a arraché cette année, évidemment, c'est le petit Léo Blouot-Blouin. Bonjour, petit Léo. Bonjour. Bon, merci beaucoup d'être avec nous. Ton premier deuil cette année, bon, évidemment, il y a eu de te séparer de Téligo, mais aussi et surtout le deuil d'avoir une chef qui sait où elle s'en va. Comment tu vis ça, mon lapin? Ben, d'abord, Les Legault, vous savez, quand je me suis présenté en politique, Mme Payette a écrit dans les pages du Devoir qu'elle était surprise que je choisisse la garderie plutôt que l'université. Donc, dans les faits, je ne suis pas si loin que ça, les Legault. Sacré Mme Payette, astronaute, hein? Bon, en plus. Aussi, un autre deuil auquel tu as dû faire face, c'est celui de devenir ministre. Pauline a dit, il ne peut pas, il est trop petit. En même temps, je la comprends. Évidemment, à ton âge, tu manquerais probablement d'aplomb pour prendre les bonnes décisions. Tu pourrais te tromper, reculer au PQ, on ne veut pas ça, évidemment. Mais quand même, ne pas être ministre, c'est un gros deuil pour toi sur mon caneton. Ben, j'attends avec impatience. Je me suis acheté un petit calendrier avec des chocolats. Puis je compte les dodos. Ça va venir bientôt. Thank you! Et un autre deuil, comme si c'était pas assez, Léo, en tant que député de la belle ville de Laval, t'as vu le Fuzzy fermer ses portes, Colin! Le Fuzzy, c'est une discothèque célèbre pour ses concours de pipe, et tu parlais de la fermeture de cet endroit sur ton Facebook il y a quelques jours. Est-ce que tu vas quand même tenter de recréer un bel endroit comme ça pour exporter le savoir-faire des gens de Laval? Ma résolution pour 2013, une grande pétition, on va aller à l'Organisation nationale, l'Organisation des Nations unies, on va faire le tour du monde pour essayer de ramasser des fonds pour ouvrir cette institution. Une des grandes résolutions pour 2013. Un projet qui donne froid dans le dos et la cerise sur le sundae. Évidemment, t'as dû faire le deuil de ta belle amitié avec le petit Gabi. Mon Dieu, qu'il n'est pas fin avec toi, lui. Hein. Il a passé son automne, puis même la soirée, à faire caca sur toi. Est-ce que tu veux prendre quelques minutes pour te venger, mon agneau? Non, écoutez, je suis pas d'esprit vengeur, et je pense qu'à travers 2013, on va être capable de retrouver cette belle amitié. Bon, ben ça t'honore, ça, mon poussin, je te souhaite une merveilleuse année 2012. À vous aussi, 2013, pardon, et à vous aussi, Jean-Philippe, à tous les auditeurs, évidemment, qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt ce train pour l'AMT. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, bonne année, hein! Encore une fois, touchant. Touchant. Notre prochain chroniqueur. Notre correspondant parlementaire doit remercier la classe politique québécoise et canadienne de lui avoir fourni en 2012 la matière de ses chroniques sur un plateau d'or. Voici Jean-Philippe Cipriani. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser tout à l'heure, M. Coder m'a accusé de mettre tous les Italiens dans le même panier. Et là, je me suis rendu compte, ben non, j'en connais un, Cipriani. Je suis désolé, vous êtes une bonne personne. OK? Bon. Ben, vous verrez peut-être 2013. Merci. C'est très gentil. Je pense qu'on a fait le tour de 2012. Ça fait 2 heures qu'on en parle. Je pense que oui. C'est le temps de se tourner vers l'avenir. C'est le temps d'aller vers une nouvelle direction, comme dirait Michael Applebaum à chaque 3 phrases. Alors, 2013, vous le savez, c'est l'année internationale du quinoa. Vous connaissez ça, le quinoa, là? Ouais, j'ai plusieurs amis qui sont allergiques au gluten, qui mangent énormément de quinoa. Ouais, c'est ça. C'est flexitarien, puis ça donne des buzz. Donc, appelez-moi Nostradachip. On se transporte dans 1 an. Oh. Voici la revue de l'année 2013. Ah, ben, j'ai hâte. Fait que grosse année 2013 au Québec. Oui, même s'il n'y a pas eu d'élection quand même. Ah. Année mouvementée au Québec pour le premier ministre, Jean-François Lisée. On se souvient quand même que Pauline Marois a dû démissionner après une autre nomination controversée, celle de Bernard Landry à la délégation du Québec à Ouagadougou, pendant qu'il recevait encore sa pension de belle-mère. Gros scandale. Fait qu'elle retourna à Moulinsort en disant, et je cite, « Ils vont-tu finir par me sacrer patience? » Donc, le premier ministre Lisée donc, a nommé Léo Bureau-Blouin comme vice-premier ministre après son entrée en poste. Et celui qui l'avait aussi appuyé dans son élection, c'est-à-dire Éric Duhaime comme chef de cabinet. Ouais. Et M. Lisée, il a lancé vraiment un projet novateur, excitant. Là, ça s'appelle la gouvernance souverainiste. Là. En fait, c'est la gouvernance souverainiste si nécessaire, mais pas nécessairement la gouvernance souverainiste. Ça a l'air bien fun. Ça a l'air la fun. Anarcho Panda, nommé ministre de la Sécurité publique, ça a surpris beaucoup de gens. Ouais. Et Jasmin Roy comme ministre de l'Éducation. Alors, ça donne des joutes oratoires assez excitantes entre M. Lisée et le nouveau chef libéral, là, Philippe Couillard, ce qui laisse pas beaucoup de place au chef de la CAQ, là, Jacques Duchesneau, qui a pris la relève de François Legault après une intense course à la direction de 8 minutes avec Gérard Deltel. Et que dire quand même, c'est dommage que M. Kadir soit pas là, du nouveau co-porte-parole extra-parlementaire sous-jacent du 7e comité principal intra-pénipotentiaire de Québec solidaire, François Rebello. Ah, hein? Il rentre! Ouais. Un nouveau départ pour lui. Et, Bon, le premier ministre Lisée, là, à part le fait qu'il a installé des photos de lui un peu partout au Québec, là, qui bloque deux fois par jour, il a quand même eu à affronter plusieurs crises, notamment le budget. Mais puisque tout ce qui touche se transforme en or, ça a bien été. Dur sommet pour le ministre de l'Enseignement supérieur, Pierre Duchesne, en février, qui s'est retrouvé seul à la table. Parce que les recteurs ont boycotté, les associations étudiantes ont boycotté, sauf l'AC, mais ils se sont trompés entre la ville de Laval et l'Université Laval, fait qu'ils ont tous manqué. Très difficile année 2013 aussi pour la commission Charbonneau qui a eu la misère à trouver des témoins. En fait, Gérald Tremblay devait témoigner, mais personne ne l'avait informé, malheureusement. Ah. Et on a quand même eu Vito Rizzuto qui nous a dit « ma che cosa dice » pendant 3 jours de suite, ce qui était extraordinaire. Et le rapport qui devait être déposé en octobre a finalement été remis, on le sait, en 2022. Donc, good. Ouais. Pas beaucoup de surprises au municipal? Quand même. Là, je veux dire, c'est sûr que le désistement de Denis Coderre après avoir été nommé premier ministre d'Haïti a un peu changé. Wow! D'ailleurs, vous avez vu son vidéo du Gangnam Style, là, ça a pas beaucoup. Marché. Ouais, ça... ouais. Donc, l'élection du nouveau maire, M. Guy Laliberté, vraiment. Ouais. Ça va normalement être la fin! Guy le maire! Guy Laliberté, il a battu M. Tony Accurso de justesse. Bien hâte de voir ce que ça va faire. Et aussi avec le nouveau chef de l'opposition à Montréal, le nouveau chef d'opposition, le chef de projet Montréal, là, Amir Kadir. Ah oui! Et, il est revenu. Et donc, voilà. Puis à Québec, Régis Labeaume a été réélu, ça. Ça fait pas de surprise, ça. Ouais. Et au fédéral, en 2013? Ah, là, les choses vont beaucoup plus rondement depuis que Stephen Harper a décidé d'abolir le Parlement. C'était pas développé? Je sais pas. Écoutez, j'ai pas regardé 2012. Mais bon, écoutez, la 2013 se termine. Les rumeurs selon lesquelles il pourrait démissionner, quitter la vie politique, se font persistantes. Il faut dire que sa décision de fermer Radio-Canada puis de repartir ça sur un autre nom, ça n'a pas fait l'unanimité. Et il a quand même profité pour nommer 3 nouveaux sénateurs. On parle de l'ancien maire Stéphane Gendron. L'animatrice Julie Snyder et l'étudiant en arts plastiques Jean-François Maurras. Ah! Qui a engagé Gabriel Nadeau-Dubois comme attaché de presse. Mais celui-ci a décliné l'offre. Et surtout, il a choisi son nouveau, le prochain gouverneur général. Son excellence, le très honorable Richard Martineau. Paraît que Sophie a bien hâte de rencontrer la reine. Et là, Maxime Bernier est en train de se positionner pour remplacer M. Harper, qui incarne quand même la continuité dans le désastre capillaire. On se souvient quand même qu'il a défié le nouveau chef libéral, Justin Trudeau, non pas dans un ring, lui, mais au tir au pigeon d'argile. Il aime bien ça, les guns, les deux. Là. Puis, on a vraiment réalisé qu'il y avait des accointances extraordinaires lors de leur affrontement. Là, quand les deux se sont présentés à la compétition en complet blanc, c'était magnifique. On a vraiment hâte à 2014. Hey, que c'était le fun en 2013. Merci d'avoir fait petit ami. Écoutez, aussi fou que ça puisse paraître, c'est déjà tout pour notre spécial de fin d'année. Vous restez à l'antenne pour la programmation spéciale de la première chaîne. Merci à toute l'équipe qui ont travaillé très, très fort pour ce spécial. Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Jean-Sébastien Jurard, Julie-Christine Parent, Steve Côté, Nicolas Arguindé, Philippe Roberge. Un immense merci à nos invités de ce soir. Monsieur Duchesne, bonne chance dans votre sommet. Denis Coderre, bonne chance à la mairie de Montréal. À la prochaine. À une prochaine fois, c'est ce que j'entends. C'est ça. À une prochaine fois. Et Gabriel Nadeau-Dubois, ben bonne année en philo. Bonne année en philo. Merci à tout le monde. Écoutez, on prend une pause. On se revoit le 11 janvier. Et si vous voulez venir assister, nos invités, Dr. Régent Hébert et Alain Van de Boncoeur, ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette nouvelle année qui est encore jeune. Yeah!